valeur qui est radieuse est non seulement pour toi un bien, ma sœur, mais c'est aussi une aumône. C'est aussi une aumône de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, une récompense. Et Allah aime ceux qui font l'aumône. Et ce visage radieux a un impact. Il va avoir été un impact autour de toi. Autour, et ce sera une preuve pour renforcer les liens entre toi et ceux qui t'entourent. Les liens de la fraternité. N'est-ce pas que ces liens de fraternité sont des signes de la foi ? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna mal mu'minuna ikhwa » car les croyants sont frères. Et ce noble caractère ne peut pas provenir que de la part des croyants. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné et a décrit aussi par rapport à cela donc la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de son beau comportement lorsqu'il dit « Innaka la ala khuluqin azim » Père, tu es doté d'un noble caractère. Et n'oubliez pas que Nissa, tu as pas des origines. Peut-être les femmes sont des équivalentes des hommes. En fait, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la richesse et la noblesse de ce comportement est en vérité, donc, émane de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc elle touche la femme comme elle touche l'homme. Donc il faut que tu t'inspires du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et pour cela, tu seras, lorsque tu t'es inspiré, tu feras partie des meilleures personnes, des meilleures femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les meilleures femmes. Lorsqu'il dit que le meilleur d'entre vous est celui qui est doté du meilleur caractère, un hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Bukhari. Ce sont bien sûr les gens les plus aimés aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les plus rapprochés de lui, les plus aimés de lui et les plus rapprochés de lui. Et qui de vous ne veut pas faire partie des personnes les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui de vous ne veut pas faire partie des proches ou des personnes les plus aimées de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et maintenant, chacun d'entre nous, et les sœurs en particulier, si maintenant elles étaient aimées de savants connus et reconnus, ça leur ferait plaisir. Alors imaginez-vous de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle sera rapprochée où? C'est-à-dire se rapprocher et aimer de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour dernier, et comment, bien sûr, on peut être aimé et rapproché, si ce n'est pas par ce noble caractère qui nous amène en vérité à énormément de hasanat. Et le cas contraire, pour ceux qui sont les plus éloignés de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont qui? Ce sont les bavards. Et non, le bavardage. Car effectivement, dans le bavardage, on retrouve énormément de choses et d'éléments qui vont nous sombrer. Et qui vont en vérité nous faire périr, qui vont nous sauver dans la calomnie, la médisance, la vantardise et tout cela. Attention au bavardage, attention aux paroles qui sont vaines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise bien ou qu'il se taise. Fal yasmut, aul yasmut. Et aul yasmut, c'est plus fort. Cela donc, c'est plus fort et ça appuie encore plus que le fait de dire aul yasmut. Le fait de se taire totalement. Donc voici en vérité qui sont les gens qui aiment le bavardage. Et ce sont les gens les plus éloignés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que bien sûr les hableurs. Et aussi les orgueilleux. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la fin de ce hadith. Car selon celui qui est orgueilleux dans son comportement, dans son langage, il manque de politesse. Il dénigre les gens. Il ne les considère pas. Celui-ci sera donc le plus loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez donc dans ce hadith. Il est divisé en deux, il est composé en deux. Une partie rapprochée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les plus aimés, et une partie éloignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les plus éloignés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les plus détestés. Non, ainsi que les plus détestés. Et n'oubliez pas que le bon caractère est celui qui sera le plus lourd dans la balance le jour dernier. Non. Car le bon caractère pèse énormément en hasanat. Et sera le plus lourd dans la balance. Il atteint aussi, par rapport à cela, la récompense. De qui? La récompense de celui qui jeûne, les jeûnes surérogatoires, de celui qui prie la nuit, de celui qui œuvre d'œuvres surérogatoires, ne s'arrête pas aux cinq piliers de l'islam, ne s'arrête pas aux obligations, mais aussi il rajoute. Et pourtant, quand il œuvre, il se fatigue. Et que s'il y a, ne fait pas qui est issu du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu auras comme récompense la récompense de celui qui a œuvré énormément. Avec quoi? Un caractère vertueux. Et bien sûr, c'est une preuve, c'est un délit de la grande foi. Car le caractère n'est pas en vérité dénué de foi. Et c'est une preuve de la foi qui est parfaite. Car le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dit par rapport à cela, les croyants qui ont à la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur caractère. La plus parfaite, c'est bien que le iman, on parle de qui? Et la foi en réalité, le meilleur cité parmi les critères qui peinent à voir subhanahu wa ta'ala. C'est aussi le premier point qui est cité dans lorsqu'Allah Azza wa Jal commence dans soit et mentionne à propos d'un mutaqin par la suite il n'a eu que le ghaib, ceux qui croient. Allah a mentionné la croix à ce point la vie. Donc, de pouvoir douter de ce noble caractère, c'est que tu as été douté auparavant de la croyance en Allah Azza wa Jal, en ses anges, les livres, en ses prophètes, aux autres, la foi que tu connais. Donc tu crois en l'invisible. Et cette croyance en vérité va t'amener à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, va t'amener à craindre Allah et à douter de ce caractère. Et la femme, on ne la voit pas mentir. Mais au contraire, elle mentionne. Et ne mentionne pas de vérité. Elle est véridique. Et cette vérité, donc, à la fois, à la totale, au bien, à la totale, ainsi que, amen. Donc, en résumant, bien sûr, le hadith, sallallahu alayhi wa sallam. Votre mensonge, il mentionne dans la deuxième partie de ce hadith. Et on voit que ce mensonge, donc, appelle à la turpitude, à la perversité, et cette perversité appelle en enfer. Vous voyez donc le noble caractère, hein, et encore pour toi en vérité un moyen d'accéder au paradis. Non. En tant que personne ayant par la foi, elle bien. Et vous connaissez le hadith, elle bien sur son truc. Donc, ici, accès. Donc, l'obéissance totale et le être par la foi. Il a donné sur le truc. Et pourtant, Allah, ce qu'on a là, dans les dons ou verset 20, Bakara qui est au milieu de cette page et qui explique tout ce que l'on retrouve comme bénéfice dans cette sourate lorsqu'il dit les albirra un tuwal ou juhal comme tu parles ma chère tuwal marre voilà qu'il n'a pas vraiment amen à billah wal yom al akhir wal malaika wal kitab wal nabiyin wa ata al mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama أكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وأحسن من الصدق وأولئك هم المتقون. Voici ici comment Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le bir, donc cette obéissance, cette pitié qui en vérité englobe l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il mentionne cette pitié, ce n'est pas le fait de tourner vos visages vers le Mashrik ou vers le Maghrib, mais plutôt la pitié consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux envoyés, aux jeteurs, en donnant de notre argent à celui qui est proche, alors qu'on aime cet argent, qu'on aime énormément cet argent, ainsi que les pauvres, ainsi que les orphelins, les pauvres et ceux qui sont sur la route manquant d'argent. Ainsi, il continue ainsi, bien sûr, par la suite, en terminant le verset, avec, bien sûr, d'autres œuvres. Et à partir de cela, le chouluk comprend en vérité, le bon comportement comprend énormément et énormément de points. La personne qui est véridique ne s'intéresse pas, ou ne s'intéresse qu'à la vérité. La vérité, elle la retrouve, dans le Coran et dans la Sunna du prophète, elle s'éloigne aussi et s'écarte des futilités, des palabres, des rumeurs, des on-dit, de la calomnie, du faux témoignage. C'est parti en vérité, bien sûr, des grands péchés, le fait de croire, de mentir et de faire cela. On parle par exemple au témoignage, si tu es véridique, tu ne peux pas faire de témoignage. N'est-ce pas que le prophète témoignage pour qu'il dise les compagnons, si seulement il s'était tué, si seulement il s'était tué. Non. Voici en vérité un point important qui touche des fois nos sœurs en ce domaine de fait de proférer de faux témoignages envers leurs sœurs. Et ce vil caractère fait en vérité de toi une personne injuste. Tu transgresses à cause du tort que tu commets à ta sœur. Puis cela en vérité va se retourner contre toi. Car en vérité ta crédibilité va disparaître. Elle ne sera plus donc chez toi. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dans les sifat des ibad al-Rahman, hein, donc des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces versets nobles dont les gens aiment écouter lorsqu'ils entendent en réalité donc les meilleurs points que l'on revoit dans les cités mentionnées parmi les serviteurs du Rahman, alladhina la yashhadun az-zur wa idha marru bil-lagwi marru kirama. Donc ceux qui ne profèrent pas de faux témoignages lorsqu'ils passent à côté des palabres, à côté des futilités, ils passent en réalité en tout honneur. Ils restent en garde sur leur honneur. Donc voici en réalité Ibad al-Rahman. Le Coran n'est pas venu juste pour qu'on le lise, mais en réalité c'est pour qu'on le comprenne et qu'on le mette en pratique. Voici donc ce dont Allah a considéré comme véridique. Louez les mérites et bien sûr leur cœur. Donc ne penche pas vers ce mauvais comportement. Ne penche pas vers les bondis. Ne penche pas vers la calomnie. Ne penche pas vers la médisance. Mais plutôt, elles n'aiment pas cela. Elles détestent cela, mais aussi elles veulent remplir en vérité au contraire leur cœur du bienfait. Elles aiment quoi? Elles aiment par Allah. Elles aiment par le Rasoul. Elles aiment donc les bonnes paroles proférées envers les gens qui sont autour d'elles. La femme musulmane ne s'arrête pas donc à s'arranger elle-même ou à se rectifier. Mais plutôt elle ressemble à un nahla. Elle va ressembler à ce palmier, hein, à ce dattier qui est profitable pour les autres. Hein. Elle donne de ses fruits à chaque fois. Hein. Le croyant, sa foi, c'est pas de 6h du matin à midi, mais c'est en réalité tout le temps. Donc elle conseille. Elle est bonne conseillère. Elle recommande les personnes. Donc elle recommande les personnes. Et ça, c'est un signe. C'est un signe de quoi en réalité? De loyauté envers sa communauté. C'est un signe d'une appartenance véridique dans cette communauté musulmane. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ceux qui conseillent le bien, ceux qui réprouvent le mal. Parce qu'il dit, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Certes, vous étiez la meilleure communauté qui surgit de chez les gens. Vous ordonnez le bien, vous réprouvez le mal et vous croyez en Allah. Veux-tu donc, ma sœur, faire partie des meilleurs gens? Veux-tu acquérir ce noble attribut, ce noble caractère? Corrige-toi d'abord. Corrige tes sœurs aussi. Ordonne-leur le bien avec douceur, avec science. Réprimande le mal avec patience et douceur et science. Embellis tes paroles avec cette finesse de caractère. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il a donc dit, la religion c'est le bon conseil. Non, oui, tout est dans le bon conseil. Il a dit, la religion c'est le bon conseil. Un équivalent ici. Donc tu vas conseiller qui? Donc bien sûr tu vas donc chez toi, au téléphone, dans les assises, dans la rue, les rencontres. Et les compagnons du prophète, les gens Allah alayhim, n'ont pas omis, n'ont pas manqué de demander pour qui ont envoyé d'Allah. Il a mentionné, subhanahu wa ta'ala, il a mentionné sallallahu alayhi wa sallam, pour Allah. Donc oui, montre à tes sœurs et fais leur découvrir qui est Allah. Tawhid, l'aqida, par ses noms, ses attributs, ses actes et ses ordres. Et puis il dit son livre. Naam, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment le lire? Comment le comprendre? Et comment le mettre en application? Ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa li rasoulihi. Lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète est dans son envoyé, donc le connaître, l'aimer, l'obéir, le suivre. Et le gouvernement. Et le gouvernement. Et ça, c'est une réponse qui est claire et évidente contre Al-Khawarij, contre Al-Tekfirioun, le fait de conseiller. Si on conseille un gouverneur, est-ce qu'on l'insulte? Est-ce qu'on dit du mal de lui? Non. Conseiller, c'est justement afin de corriger et de faire en vérité les meilleures choses. Et donc, d'espérer les meilleures choses pour cette personne. Et après, il termine, donc ça, c'est un adab à avoir. Et il termine, ça va passer par le commun et le commun des musulmans. Et ça, bien sûr, ça nous touche, nous, le commun des musulmans. Profère donc le bon conseil pour faire partie des heureux élus, héritiers de ce noble hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et recherche et pense en réalité au grand bien que cela procure. Regarde, bien sûr, réellement dans cela un grand bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, remarquez, subhanallah, on remarque que le prêche de nos nobles pieux et message envoyé, miséricordieux envers nous, est totalement en parfait accord avec ce qu'ils ont appelé le Tawhid. Prenez le Hadith, ils ont appelé l'Illah, ils ont appelé le Tawhid, ils ont reçu un livre, ils ont conseillé les gouverneurs et les gens. N'est-ce pas que Moussa s'est retrouvé face au gouverneur, Pharaon? N'est-ce pas qu'Ibrahim s'est retrouvé face au gouverneur? Allah subhanahu wa ta'ala nous montre encore une fois, encore une fois, en réponse aux Khawarij et à ceux qui ont des problèmes dans ce sujet, que les envoyés se sont retrouvés face à des gouverneurs et pourtant ils ont appelé au Tawhid. Ils ont appelé au bon comportement et beaucoup bon comportement et ils ont appelé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, ils n'ont pas parlé du social, ils n'ont pas parlé de celui qui n'a pas de pain ou bien celui qui n'a pas d'eau. Non. Et n'est-ce pas aussi que les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été aussi croyants vis-à-vis de la loyauté envers lui-même, envers ses peurs, envers son environnement, ses proches. Ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jarir ibn Abdelbah, le noble compagnon, a dit qu'il a prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afin de quoi? Afin d'être loyal envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière, la prière c'est quoi? C'est l'ihsan ou il Allah. Et la zakat c'est quoi? C'est l'ihsan ou il al-nas. Comme on l'a dit auparavant, au début de notre sujet, on avait dit que les droits d'Allah et les droits des gens. Donc le fait est le fait de satisfaire de la zakat et termine par le fait de quoi? Donc de conseiller chaque musulman. De conseiller chaque musulman. Je ne conseille pas une partie des musulmans parce que je les aime et les autres parce que je les déteste ou je ne veux pas d'elles du bien. Là, on est sincère, on a un cœur sain, on a un cœur pur et on conseille chaque personne. On espère pour chaque personne le meilleur. Et ce serment, et ce serment en vérité, ce pacte, devant qui? Devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour des aspects parmi les meilleurs aspects du comportement du croyant. N'est-ce pas que c'est le fait de prodiguer le bon conseil? Et subhanallah, donc à tout musulman de faire cela. Et donc, Ibn Rahimahullah, vis-à-vis d'une explication des hadiths, résume, donc c'est une parole qui est rapprochée, il résume que le bon conseil est source de sincérité. Et cela fait de toi quelqu'un qui ne laisse pas place dans son cœur à la jalousie, la traîtrise, la tricherie et autres. Et aussi la sœur musulmane aime pour les autres le bien. Elle aime leur faire profiter de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. » Et ce hadith vous connaissez tous. Personne de vous ne sera véritablement croyant que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Cela bien sûr fait disparaître quoi? Et efface en vérité de son cœur l'égoïsme. L'égoïsme, le fait de ne penser qu'à soi-même, comme le fait de ne pas dire à part par certaines sœurs que des cours sont dispensés ici et là. Cela en vérité est une mauvaise attitude à ne pas avoir. Et n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux? Il est encore plus généreux de ce pendant le mois du Ramadan. Il est encore plus généreux que le vent qui souffle, qui en vérité l'arrivée du bon vent qui souffle. Et parmi sa générosité, on voit hadith, c'est le fait d'enseigner aux gens, l'ilm, le fait d'enseigner aux gens. Regardez, lorsqu'on le questionne sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis des hadiths qui, a priori, n'a pas lieu dans ce sujet. Lorsqu'on lui dit, on le questionne sur la pureté de l'eau, de la mer. Hein? Donc il avait bien répondu, sallallahu alayhi wa sallam, huwa tahur, donc cette eau est pure, l'eau de la mer est pure. Et il ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas de nous mentionner simplement que ce qu'a comme propriété l'eau, mais il termine aussi par, c'est-à-dire, il va terminer donc par le fait de quoi? Rajouter al-hillu maitato. C'est-à-dire que ceux qui meurent, les autres, donc les poissons morts dans cette mer, sont licites. Ils n'étaient pas obligés de rapporter cela au prophète Hassan, mais de par sa générosité, sa grande générosité que s'il a fait, il a rajouté. Il a dit, c'est aussi, donc c'est quoi, c'est une règle? Il a dit que bien sûr, la nourriture qui y meurt, donc est halal, c'est-à-dire ces poissons-là sont halal, sallallahu alayhi wa sallam. Donc sois sincère en vérité dans le fait de montrer le bien. Ne le fais pas pour qu'on dise une telle a dit, une telle a fait. Le but de cela, c'est que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit propagée, que la règle religieuse authentique soit bien sûr aussi propagée chez les musulmans. Donc il y a dans cela, il y a énormément de hasanat. Donc pensez à et considéré comme celui qui le fait. Et tout cela ne fera pas de toi quelqu'un aussi, donc tout cela ne fera pas de quoi? De toi quelqu'un qui trahit les gens. Tu ne seras pas quelqu'un qui sera sournois. Mais plutôt, tu rejettes, tu réprouves, tu détestes ces mauvais comportements qui sont non connus dans l'islam et connus chez aucun des salafs salih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man rachana falaysa minna » est rapporté par les mêmes muslims. Celui qui nous trahit, qui triche envers nous, ne fait pas partie des nôtres. C'est-à-dire qu'il nous trahit, donc il ne sera pas conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui a envie de ne pas faire partie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Personne n'a envie de cela. Non. Donc il faut que, si tu décides par exemple de vendre des sortes de choses de faire par emploi traditionnel et de la tricherie, donc des gens ne trichent pas vis-à-vis de la religion. Si tu enseignes la religion à ta soeur, dis la vérité. Contente-toi de t'arrêter à ce que tu connais. Ne rajoute pas, n'enlève pas. Et aussi dans le domaine par exemple des coûts du commerce, ce qu'on retrouve en général souvent chez les gens, c'est que lorsque tu décides de vendre, en tant que couturière par exemple, tu vends des gilets à tes sœurs. Assure-toi que tu sois bonne couturière, que ta machine est bonne, que tes outils sont bons, ton tissu est bien, ton tissu est de bonne qualité. Hein? Car en vérité, plusieurs fois on a entendu des plaintes à ce sujet. Donc, aux vendeuses, commerçantes, craignez Allah dans ce que je vous présente comme objet, montrez les défauts, prévenez des failles. Dans la réalité, tu recevras de la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi de meilleur que d'être une sœur mubaraka? Et le peu que tu gagnes sera béni. Cela est pareil pour le mariage. Combien de personnes, en réalité, ont caché des choses, hein, des défauts, qui, à l'origine, se mentionnent, afin justement d'éviter les ambiguïtés, des maladies ou autres. Il faut être sincère. Et ne dites pas qu'en vous en, cela marche. Ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est la moitié de la religion. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka nasta'in, c'est la moitié de la religion. Et ça, c'est at-tawakkul 'ala Allah azza wa jalla. Donc craignez Allah et remettez-vous à Allah azza wa jalla. Ne dites pas qu'en trichant, on va assurer quelque chose là. Wallah mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah ressort ce que vous cachez. Non. Donc il faut faire attention à cela. Et puis après, souvent, ça se conclut par un divorce. Wal'iyadu billah. Donc, trahir cet engagement. Non, déjà, donc, à mettre des sorvêtés, tu seras amené à devenir ennemi, adversaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment on peut penser que la chose en réalité récompense que des fois le fait de trahir un engagement, c'est anodin. Wa tahsabunahu haniyan, wa huwa 'indallahi 'azim. Vous considérez donc haniyan, vous considérez donc simple. Haniyan wa huwa 'indallahi 'azim, en réalité c'est grave auprès d'Allah, c'est énorme auprès d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait hadith qudsi toujours, je serai ennemi, donc Allah dit, je serai l'ennemi de trois catégories de personnes le jour dernier. Et celui qui nous intéresse dans ce sujet, c'est donc donc ici on va dire, cherche donc ma soeur à ne pas faire partie de cela. Une personne qui a fait promesse de faire don en mon nom, puis a trahi son engagement. Il a promis qu'il donnera Bismillah. Hein? Bismillah, il a promis qu'il donnera. Il ne donne pas. On a oublié, on dit je ne peux pas vous dire, je te laisse la faire. Tout simplement. On pense que c'est un anodin. Et puis auprès d'Allah, c'est grave. Parce que tu as utilisé le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dessus. Tu as dit au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et Allah donc il sera quoi? Il sera ennemi de la personne qui a pensé comme ça, ou qui a donc fait cet acte. Et puis Allah dit aussi, en vantant les mérites de ceux qui donc tiennent leurs engagements, yufunan bin nazri, et qui respectent leur engagement, leurs vœux, ils respectent en vérité ce qu'ils ont décidé de faire, ils honorent bien sûr leur engagement. Sois donc une sorte d'honneur. Ne promets pas dans le vide, respecte ton engagement et aussi ne sois pas décrite comme dans le hadith Qudsi, puis a trahi. Vous voyez dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit puis a trahi. Un mot qui est fort, le fait d'être traître. Donc ne sois pas donc de cela. Et n'oublie pas aussi que c'est un signe d'hypocrisie, car il ne tient pas promesse, car la personne ne tient pas promesse lorsqu'il s'engage, comme on voit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Parmi donc les sifats des monastériens qui sont nombreux de 4, et une des sifats, une des caractéristiques des personnes hypocrites, c'est justement le fait de ne pas tenir sa promesse. Non. Donc il vaut mieux donc réfléchir avant de tenir une promesse. Il vaut mieux être sûr, est-ce qu'on est capable, en réalité, de faire ou de ne pas faire. Toujours le fait de tenir sa parole ne doit pas être pris dans la légère. Respecte ton engagement. Respecte son engagement, en vérité, à l'image de la personnalité de la personne, à l'image de la foi de la personne. Et là aussi, je fais encore appel à celle suivante. Montre aussi, donc par rapport à ce qu'on a vu auparavant, sans entrer dans les détails, et surtout à l'éducatrice, la mère, la sœur qui a des enfants. Donc, retenir, tiens ta parole. Lorsque tu dis, par exemple, à ton enfant et que tu lui promets que si tu termines ta soupe, tu vas pouvoir donc jouer au parc qui est en face. Tu vas pouvoir faire un tour au parc qui est en face. Et une fois qu'il termine sa soupe, il ne sort pas. Donc à ce moment-là, cela n'est pas, ne te sied pas. Il ne faut pas que tu sois comme cela. Il ne faut pas que tu dises ce que tu ne fais pas. Donc c'est en vérité grave auprès d'Allah. Le fait, donc c'est fortement détestable auprès d'Allah de que vous dites ce que vous ne faites pas. Ça marche une fois, mais pas deux. Ça marche une fois, mais pas deux. N'oubliez pas que les actes ont plus d'impact des fois que la langue. Quand elle n'est pas sortie, il va se souvenir. As-tu envie que ton propre enfant te considère comme une menteuse? Ou pire encore, as-tu envie, et plus pire et plus grave encore, qu'il déteigne sur toi et qu'il pense que cela en vérité se fait et il fait la même chose? Donc sois aussi net, sois clair et sois franche dans les limites de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas brosser les gens dans le sens du poil. Il ne faut pas brosser les gens dans le sens du poil, tout simplement, et je vais expliquer. Donc il y a des gens qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et trois fois par de suite, ils lui ont dit qu'il était leur maître. Trois fois de suite, ils ont dit, donc tu es notre maître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé. On appelle cela l'état. Le fait de quoi? D'exagérer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on entre dans le dogme, on entre dans le tawhid. Et ça, c'est justement ce qui pourrait amener son savoir au roulouf et sans les signes. Donc il a répliqué à l'aïe sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit, notre maître, c'est Allah par excellence. Il lui dit, mais tu es le meilleur quand même. Mais tu es aussi le plus puissant, le plus fort d'entre nous. Et il a continué à répliquer, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, dites, donc ce que vous avez à dire, et ne laissez pas le diable vous entraîner. Ne laissez pas Shaitan ruser de vous. Mais plutôt, donc ne m'octroyez pas un degré autre que celui que j'ai reçu de la part d'Allah. Mais dites plutôt, Mohammed Fizou Abdallah, serviteur d'Allah et son messager. Donc un sujet qui est grave et important. Et cela se retrouve justement chez nos sœurs. Donc ne vous faites pas d'éloges inutiles. N'exagérez pas dans vos éloges entre vous. Même si ce que vous dites est réel. Même si ce que vous dites est vrai. Même si en réalité la qualité et la caractéristique de la sœur est en elle. On évite, on peut. Et si on le dit, on reste modéré. On donne juste la caractéristique qui en ressort de cela. On ne s'arrête pas à cela. Alors pourtant que c'est une parole de vérité. Alors que dire que si on vante des gens et on ment sur eux, juste pour leur faire plaisir. Donc cela bien sûr est interdit. Donc protège celle qui reçoit ces éloges du ria, de l'ostentation. Et attention au ria. Combien le ria bien sûr annule l'acte. Non. Et en général, sa fin est mauvaise. Et combien donc justement péri vis-à-vis de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné et a appris à ses compagnons de ce qu'il faut dire. Donc ahsibuka kadhalik wallahu hasibuk. Voici la fin de cette prise. Ne dites pas si t'es pieux, c'est sûr, comme ça c'est sûr, et on termine par wala uzaki alallahi ahada. Connaissez-vous tous les secrets des gens? Non. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre en disant, en étant sûr que celui-ci ou bien celle-ci, on va être sont exactement comme on est en train de mentionner. Et là, on retrouve aussi pas mal de personnes, et en particulier les sœurs, de ne pas connaître les mesures de la tesquia. Car cela va être de la tesquia, un tel ou une telle, des mousakia, un tel ou savant, ou tel chir. Hein? Et à partir de cela, ça y est, devient marche. Ou elle devient marche. Donc ils sont exempts d'erreurs, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, ce n'est pas comme ça qu'il faut œuvrer. Il y a bien sûr énormément de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de compagnons par rapport à cela. Ubay ibn Ka'b, radiallahu ta'ala, vous dit, dawa. il est revenu. Là, c'est pas ça la religion. La religion d'Allah, c'est par Allah, par Rasoul. À la fin, il s'est dit, les oummas, Ibn Omar et d'autres ont répondu à cela. Ils détestaient cela. Et ils ont dit que cela amène à la ruine de la personne. Donc arrêtez-vous. Arrêtez-vous à gonfler les gens, afin que bien sûr les gens donc soient considérés à leur juste valeur. Donc, j'ai terminé mon résumé, aussi le temps donc vient de se terminer. Barakallahu fikoum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu anna ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et encore une fois, donc, je m'excuse donc de l'absence.